les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour une heure et demie de sport et de débat. C'est la sixième émission de la saison 5 de Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Je suis accompagné aujourd'hui d'une équipe plus resserrée qu'à l'habitude, avec trois chillers, mais je pense que ce sera bon pour nous à plus d'un titre. Et puis on a nos spécialistes NBA qui sera le gros sujet du soir, donc tant mieux. Tout d'abord messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir Tariq. Salut Romain, ça va ? Ça va bien, ça va bien. De retour pour une belle émission, j'espère. Et puis avec un nouveau sport du coup qui va nous intéresser ce soir avec la NBA. Salut Jules, je suppose que ça te ravit, même si le week-end a été difficile en émotion. Ouais, ça a été difficile en émotion, mais là la NBA arrive demain soir. Du coup, on va essayer d'oublier ça un petit peu dans les nuits tardives avec la NBA. Et bonsoir Alex qui nous fait son retour, bonsoir, son coming back. C'est ça. Pour parler rugby et de bien d'autres choses ce soir. Je m'en suis toujours pas remis d'ailleurs. Ouais, mais tu n'es pas le seul, je crois, et forcément nous reviendrons sur le rugby dans le courant de cette émission. D'ailleurs, ce soir, dans les débats des Chillers, nous parlerons de deux événements et de deux équipes de France, avec au programme la Coupe du Monde de rugby au Japon et les qualifications pour l'Euro 2020 de football. Dans le sport montpellier, nous reviendrons avec vous sur les résultats des clubs de la ville, MHSC, MHB, Vipers, MCVUC, BLMA, MWP, le cocktail habituel, avec un focus sur le début de saison du MHR et le derby de la région Occitanie, comme on nous l'a vendu, entre nos Montpellierains et le Stade Toulousain. Aux alentours de 19h45, je le disais dans la présentation, le débat de la semaine sera consacré à la NBA, les attentes, les principaux transferts, les franchises à suivre et nos favoris. Et je sais que nos chroniqueurs basket fans des Dallas Mavericks et des New Orleans Pelicans s'en font un plaisir pour débattre sur ce sujet pour la première fois de la saison. En fin d'émission, enfin, vous retrouverez le quiz proposé par Guillaume, comme à l'habitude dans cette saison 5. L'agenda 100% Montpellier et enfin les tips de la semaine avec le retour de Tim qui nous a proposé ces tips de Tim, du coup, difficile à dire, qui malheureusement ne peut pas être présent ce soir mais qui propose les tips. C'est parti, place aux résultats de la semaine, format débat. Sport & Chill, les résultats. Il y aura d'autres sports évoqués brièvement dans cette émission, mais tout d'abord deux événements majeurs, et donc deux équipes de France, je le disais. On va donner l'honneur, si je puis dire, au rugby, sachant que c'est l'événement planétaire de ce sport qui a lieu en ce moment. La Coupe du Monde de rugby, Alex, qui nous a livré ses premiers résultats importants avec les quarts de finale, et malheureusement une élimination pour notre équipe de France face au Pays de Galles, dans un match plein d'émotions à divers titres. C'est ça, tout à fait. Défaite amère pour les Bleus, 20-19, face à des Gallois inoffensifs qui ont su profiter des erreurs françaises sur leurs essais. D'un ballon perdu par Guirado à la 12e minute au ballon arraché en mêlée à 5 mètres de notre en but à la 74e minute. Les Bleus ont pourtant dominé la rencontre, comme l'a salué Warren Gatland, le sélectionneur du 15 du Poireau, en conférence de presse, en déclarant que la meilleure équipe a perdu aujourd'hui. Malgré les trois essais de Vahamaina, Olivon et Vakatawa, la France s'incline à cause d'abord du rouge de ce dernier, qui malheureusement à ce niveau-là est une véritable faute professionnelle. Et puis on peut aussi dire d'un manque de pragmatisme et de discernement. Pour citer quelques exemples très rapidement, les drops délaissés notamment à la 57e minute, ou le choix de faire une mêlée à 7 contre 8 dans les 22 mètres gallois, ou de tout simplement ne pas prendre les points et de choisir la touche. Les Gallois, eux, sont pragmatiques et disciplinés, ils ne sont pas meilleurs que nous, mais cela peut suffire pour gagner un match, ils nous l'ont démontré ce week-end. Le week-end dernier. C'est ce que déclarait aussi Guillaume Guirado avec un discours poignant dans les vestiaires que vous aurez l'occasion de redécouvrir. Ce sera notre son de la semaine. Une défaite amère. Je sais qu'on a beaucoup parlé dans la préparation. ça fera plaisir à Florian s'il nous écoute. Des défaites encourageantes. Forcément, en Coupe du Monde, on ne peut pas parler de défaites encourageantes, d'autant plus lorsqu'il y a élimination. Mais Ce qui est particulier, c'est qu'à la fois on peut se satisfaire du jeu qui a été proposé sur ce match. Moi, j'ai envie de dire que sur un match à enjeu, c'est le meilleur de l'équipe de France. Alors, je vais donner une fourchette sur les 5 à 8 dernières années. Et malheureusement, encore une fois, le scénario se répète. Il n'y a pas le résultat au bout. Et quelque part, c'est ce qui compte. On a mis de beaux essais. On a fait la course en tête. Et au pire des moments, on perd ce match qui a tourné lors du carton rouge de Sébastien Vahamaina, indéniablement. N'est-ce pas, Jules ? Ah, c'est sûr qu'on avait, on avait vraiment la maîtrise sur cette rencontre. On menait 19-10, on est proche de leur ligne en plus, sur ce mol où Sébastien Vahamaina pète les plombs. On ne sait pas trop pourquoi, parce que le Gallois il est au milieu, on ne sait pas trop ce qu'il lui a fait. D'abord il essaie de l'étrangler, ensuite voilà, il dégoupille en mettant ce coup de coude. Ce qui est malheureux, c'est qu'on allait certainement marquer des points sur cette action-là. Il y a Antoine Dupont qui est très proche de la ligne, et que c'est certainement, si on marque là, je pense que c'est terminé 24-10 ou 26-10. À 25 minutes de la fin, les Gallois arrêtent d'y croire, je pense. Et au vu du jeu proposé, ça aurait été vraiment mérité, comme tu l'as dit, Romain, parce que les Gallois, ils ont vraiment rien montré de la partie. Donc c'est vraiment pas payé pour ces Français-là. On les a souvent critiqués sur les matchs. On a été dur avec eux. Et là, sur ce match-là, ils ont rien à se reprocher. À part un, je trouve qu'ils ont rien à se reprocher. Ils se sont envoyés. Après Alex, tu parles peut-être de tout ce qui n'a pas été pris au niveau du réalisme, au niveau des points. Il n'y a pas que le carton rouge. Voilà. Parce que même avec le carton rouge, on peut et on doit gagner le match. On doit tuer le match. Plutôt. Oui. Ah, de toute façon, s'ils prennent les 3 points à la pénalité, elle est dans les 30 mètres, un peu légèrement excentrée sur la droite, mais je pense qu'elle est tout à fait. En plus, c'est Camille Lopez qui est à ce moment-là sur le terrain, je pense qu'il la met. Tu gagnes le match. Voilà. En plus, malgré cet entame de match de feu où on est un peu euphorique, même devant notre télé, je pense, avec ces deux essais marqués dans les 10 premières minutes, ce qui est très français, on prend un essai qui n'est pas possible d'être pris au niveau international. Un ballon tombé à 40 mètres de la ligne, un Gallois qui ramasse, qui va marquer tout seul. On ne sait pas trop comment c'est possible, ça d'ailleurs, au niveau de la couverture de terrain. Donc c'est vrai que c'est un peu désespérant de perdre ces matchs. Je pense que ça va tourner au bout d'un moment, mais franchement j'étais dégoûté dimanche matin comme beaucoup de Français, et ouais, on se demande quand est-ce que ça va tourner dans le bon sens. C'est vrai qu'on avait du mal à nous voir en demi-finale, et pour autant à la fin de ce match, je le dis personnellement, hein, en sortant du cadre de l'émission, j'étais au plus mal, parce que je me suis dit on devait le gagner ce match, il y avait la place. J'ai entendu dire à côté de cela, et je suis assez d'accord, que la France s'est préparée et montée en régime sur les 3-4 derniers mois, alors que les Gallois se préparent depuis 4 ans, ah, voire oui. même plus, sous l'ère Warren Gatland depuis oui. Une décennie, oui, et qu'à un moment donné, sur ces instants de match aussi, derrière le jeu produit, cette expérience et rodage entre les joueurs finissent par payer. C'est difficile, mais on peut s'imaginer, avec notamment Fabien Galthié et Laurent Labitte qui étaient dans le staff de l'équipe de France, qu'on a préparé aussi la suite, avec des joueurs jeunes en plus, à l'image de cette charnière toulousaine Dupont et Tamac. Oui, mais pour rebondir sur tes propos, c'est ce qu'a dit Thierry Dussautoir, qui est consultant pour l'équipe pour cette Coupe du Monde, qui a comparé l'équipe de France de rugby à un étudiant français qui est doué mais qui révise la veille. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça. Après, je pense que notamment des anciens sélectionneurs ou joueurs blacks comme Carter ou même Stevenson, l'actuel sélectionneur, ils ont tous déclaré qu'on avait, entre le nombre de licenciés, le vivier qu'on a, les joueurs talentueux que nous avons, on devrait être une des meilleures équipes au monde de façon régulière, mais que ce qui manque, c'est la cohésion au niveau de la fédération et la guéguerre entre la Fédé et la Ligue. Justement, on devrait peut-être prendre exemple sur nos voisins anglais, la perfide Albion, qui a vécu un échec terrible lors de la dernière Coupe du Monde, qui était chez eux, avec cette élimination dès la phase de poule, mise à mal par leurs homologues gallois. Ces deux équipes sont demi-finalistes cette année. L'Angleterre a un championnat assez proche du système du nôtre, et ils reviennent au plus haut niveau. C'est peut-être même une des équipes qui nous a le plus impressionné sur ces quarts de finale, non ? Alors, à titre personnel, non, même si je les ai trouvés forts, mais pas impressionné, non. Après, effectivement, mais les Anglais, ils ont pratiquement la même équipe, enfin une grosse base, on va dire, de ce qu'ils avaient déjà en 2015, et ça les aide forcément dans la continuité. Ensuite, c'est vrai que sur la, tu dis, ils ont un championnat quasiment identique et tout. C'est vrai, mais les Anglais, ils ont quand même une règle aussi. J'ai déjà évoqué l'année dernière dans Sport & Chill à plusieurs reprises. Ils ont un quota de joueurs étrangers, ce qui, je pense, pour certains postes, les Gallois, c'est la même chose, comme les Irlandais, les Écossais. Je pense que pour certains postes, ça doit les aider à développer des joueurs anglais qui peuvent gagner du temps de jeu. Après, Romain, tu disais que les Anglais reviennent aux avant-postes. Pour moi, même en 2015, même s'ils sortent pas de la poule, ils étaient déjà aux avant-postes. Ils largué, ouais. Je suis assez d'accord avec toi en réalité. Hein. Et leur force, ouais. C'est un peu une formule. Leur force, c'est d'avoir depuis 7-8 ans, malgré cet échec-là, conservé les mêmes joueurs. Et on voit qu'ils arrivent à un niveau de maturité exceptionnel, ils se connaissent. Et tout est rodé quand on voit jouer les Anglais. Moi, ils m'ont énormément impressionné contre les Australiens. Même ce qu'ils ont fait contre les Argentins, même si l'Argentine était réduite à 14. Et c'est vrai que ce match contre les Blacks, là, ça s'annonce une finale avant l'heure. C'est vraiment un match que j'aurais aimé voir en finale. Justement, Alex, peut-être les résultats rapidement des autres quarts de finale. Et puis, toi, tu disais que l'Angleterre n'était peut-être pas l'équipe qui t'a le plus impressionné. Tu pourras peut-être nous dire quelle est l'affiche qui t'a le plus plu et peut-être quelle est l'équipe, alors ce sera peut-être pas dans le même match, qui, pour le coup, t'impressionne le plus. Alors oui, alors au niveau des résultats, l'Angleterre a battu l'Australie 40-16, la Nouvelle-Zélande a vaincu l'Irlande 46-14 et l'Afrique du Sud a logiquement dominé le Japon 26-3. Moi, l'équipe qui m'a le plus impressionné sont les Blacks. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à une domination aussi écrasante sur l'Irlande, qui était quand même la seule équipe avec l'Australie à les avoir battus ces deux dernières années. Surtout qu'ils leur mettent 7 essais. Et mettre 7 essais à l'Irlande, qui a quand même, on va dire, on va parler franchement, un jeu bien pourri, qui est quand même fait pour pas avoir des envolées lyriques au niveau des lignes de trois quarts, c'est quand même assez hallucinant. Puis résultat n'était pas surprenant, mais le score, l'ampleur du score. Moi, c'est même pas l'ampleur, oui. C'est le contenu, quoi. J'ai plus été déçu par l'Irlande qu'impressionné par oui. Les Blacks, même s'ils savent. Je pense que le niveau des Blacks a aidé, quoi, quand même. Tout ce qu'ils font, ils le font très bien, mais l'Irlande sur cette Coupe du Monde, c'est une grosse déception. On les a vus sur les derniers Six Nations. Conquérant et vraiment très, très dur à bouger. Là, sur cette Coupe du Monde-là, on a vu que leur système de jeu était un peu... Ils ont peut-être été à leur apogée un peu après, tôt. Après, l'Irlande, moi, j'ai toujours pensé... Moi, je me remémore le match, justement, du 15 de France à Dublin, où pourtant, on prend beaucoup d'essais. Quand j'étais en direct, je me suis dit, mais ils n'ont pas travaillé la vidéo ou quoi ? Parce que l'Irlande, en fait, quand tu bosses la vidéo, c'est pas compliqué, hein, ils font tout le temps la même chose. Donc, quand tes joueurs ont compris... Pour les contrer, c'est hyper facile, ils n'ont jamais de plan B. Donc finalement, ce n'est pas une équipe si compliquée à apprendre. Du moment qu'ils ont un petit grain de sable dans leur machine, c'est terminé. Effectivement, c'est la limite de cette équipe d'Irlande qui, pour le moment, a du mal à passer le cut des quarts de finale malgré leur performance remarquable année après année dans le tournoi des Six Nations. On peut dire qu'on a les quatre équipes les plus solides sur les dernières années et de mon côté, on a plutôt un dernier carré logique au vu du début de compétition, notamment avec le Pays de Galles, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. En plus, c'est bien, c'est partagé deux équipes de l'hémisphère nord, deux équipes de l'hémisphère sud. Ce qui change beaucoup de la Coupe du Monde 2015 où ouais. On avait les quatre équipes de l'actuelle Four Nations, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, qui étaient présentes. Rapidement, peut-être pour terminer, quelle serait pour vous l'affiche de la finale ? Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et une petite pièce sur les box. Une petite pièce sur les box et Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud pour Alex. J'ai envie de voir l'Angleterre contre l'Afrique du Sud en finale pour pas qu'on ait à faire encore un match Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud qu'on voit très souvent en rugby championship. Donc pourquoi pas les Anglais contre l'Afrique du Sud et une victoire de l'Afrique du Sud parce qu'on va pas non plus exagérer. Tariq, peut-être, même si je sais que tu n'es pas un fervent suiveur de rugby, tu n'as pas pu intervenir forcément jusque-là, tu as écouté nos spécialistes, mais il y a un peu de feeling aussi dans les pronostics, on le voit pour nous qui ne réussissons pas tant que ça depuis le début de la saison. Qu'est-ce que tu dirais là comme ça au feeling? Bah écoute, le seul match que j'ai vu ce week-end, c'était Afrique du Sud-Japon, que j'ai regardé, qui était juste après le match de l'équipe de France. Et moi, je rejoindrai Alex, je dirais une finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud et je mettrai une petite pièce sur l'Afrique du Sud, qui est le seul un peu représentant moi, je pense fort que africain ouais. qui peut apporter. pour, pour l'Afrique. La densité physique et l'impact et la rudesse de leur jeu, je pense que même si les Anglais ils ont de l'impact physique, ils n'ont pas cette rudesse. Je pense que comme en 2015, c'est la seule équipe qui peut embêter les Blacks, quoi. C'est tout à fait imaginable. Pour ma part, je vais le donner, j'avais annoncé pour le coup les mêmes quarts de finale exactement et les mêmes demi que jusqu'alors. Pourtant, je ne suis pas un roi des pronostics, je devrais peut-être m'y essayer pour le rugby. Du coup, je vais rester fidèle à ce que j'ai dit au début, donc Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Je ne vois pas les Gallois sortir les Sud-Africains, on verra si le futur me donne tort. Par contre, je pense effectivement que cette Angleterre-Nouvelle-Zélande va être palpitant et très serré, que ce sera pas le même match que contre l'Irlande pour les Néo-Zélandais. Et j'avais mis la Nouvelle-Zélande vainqueur, donc c'est ce que je vais dire, mais je suis intéressé de voir que vous êtes trois à avoir l'Afrique du Sud championne du monde, qui est, je me permets de vous le dire, mon autre coup de cœur derrière l'équipe de France depuis toujours, en tout cas depuis 2007. J'étais d'ailleurs ravi de voir François Stein, le Montpelliérain, sur la pelouse en fin de match, lui qui portait le numéro 23. On passe tout de suite au football. C'était les qualifications à l'Euro 2020 et il y a eu deux matchs pour la France contre l'Islande et la Turquie. Tariq. Oui, donc l'équipe de France a été tenue en échec par une très bonne équipe de Turquie, un but partout au Stade de France, avec encore un but d'Olivier Giroud, toujours critiqué mais toujours présent quand on a besoin de lui. Soulignons aussi que le match s'est déroulé sans aucun problème, ni débordement, alors que certains politiques avaient même demandé l'annulation du match. Pour une fois que les supporters ont donné une très bonne image du football. Malheureusement, les Bleus ne sont toujours pas qualifiés. Ils devront remporter un match au mois de novembre pour valider leur ticket pour l'Euro 2020. Et notons aussi que les Bleus ont connu une hécatombe de blessures ces derniers mois. Avec, juste pour vous donner quelques noms, on a Lloris, Mbappé, Pogba, Laporte, Umtiti, Thauvin, Dubois, Kanté. Et j'en passe, j'ai pas donné tout le monde. Il y a aussi Martial et compagnie. Donc pour vous, est-ce que ces absences, est-ce que Didier Deschamps déjà doit-il faire des choix forts avant le championnat d'Europe? Et est-ce que pour vous, dans cette liste, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont peut-être perdu leur place par rapport aux nouveaux qui sont venus pendant ces deux derniers mois? C'est vrai que tous les champions du monde de 2018, on aurait pu se plaindre l'année dernière qu'ils avaient un statut, certains étaient appelés, même en méforme. Là, ces blessures-là permettent aussi de découvrir d'autres joueurs. Et ça peut aussi rebattre les cartes chez Didier Deschamps. Après, on sait qu'il est pas forcément, il se base pas forcément que sur le niveau. Didier Deschamps, il est aussi sur la structure du groupe, comment certains joueurs s'entendent avec d'autres. Il prendra pas les 23 meilleurs joueurs, il prendra juste ceux qui s'entendront le mieux ensemble. Après, voilà, on a la chance quand même d'avoir un sacré vivier en France avec tous ces blessés-là. On a quand même une équipe très très compétitive. Et c'est dommage de ne pas avoir réussi à battre la Turquie parce que même si on va sans doute se qualifier, une première place aurait une incidence quand même pour la qualification pour l'Euro. Ça aurait forcément eu une incidence. On se voyait peut-être pas tant en difficulté dans ce groupe. Il y avait des bonnes équipes, mais ça peut être des bonnes équipes pour le niveau européen, bien sûr. Oui, ça va. On n'est pas dans le même type de situation que sur un championnat du monde ou vraiment sur ce qu'on pourrait connaître à l'Euro. La France doit et devrait tenir son statut normalement dans cette poule. Justement, cette équipe turque nous a bien piégés et nous a pris 4 points sur deux matchs. Quelle est justement ta réaction, Alex, par rapport à cet effectif des Bleus dans la perspective de l'Euro 2020? Moi je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements parce que comme là, je vais redire ce qu'a dit Jules au niveau de Didier Deschamps, quand, dans l'élaboration de son groupe il y a plusieurs paramètres qui en rendent compte et pas seulement l'aspect sportif. Pour moi en fait les seules possibilités de changement c'est sur des joueurs qui ne sont pas titulaires mais qui sont remplaçants. Je prends un seul exemple, Ikoné Thauvin. Même si je pense que si Thauvin fait une super deuxième partie de saison avec l'OM, il sera quand même là à la place d'Ikoné. Après, pour moi, il pourrait y avoir juste une autre bascule, c'est sur le poste de gardien de but, mais je ne pense pas que Deschamps, à cause d'une blessure, il mette Hugo Lloris numéro 2 et il change la hiérarchie. Après, sinon, moi, à part sur les remplaçants, je ne vois pas de modification. Le seul truc, c'est que Olivier Giroud, si tu nous écoutes, trouve-toi un club cet hiver. Parce qu'il faut que tu joues quand même. Ah, il faut qu'il joue plus, même s'il est encore une fois décisif contre la Turquie. Même s'il joue pas forcément en club, tant qu'il répondra présent en sélection, je pense qu'il pourra aller à l'Euro 2020 sur son statut juste. Mais après, ça sera compliqué. Physique, par contre, c'est ça quoi. Ça sera compliqué après l'Euro 2020 pour Giroud. Je pense que ça va être sa dernière compétition. Avec l'équipe de France. Après, je pense qu'il sera temps pour lui de prendre sa retraite internationale. Et pour vous, sur ces deux matchs, justement, entre l'Islande et la Turquie, qu'est-ce qui a pu être le plus gros manque dans les joueurs absents dans cette équipe de France? Plutôt offensivement, quelqu'un comme Kylian Mbappé, bien sûr, le prodigieux joueur dont on dispose pour nous marquer des buts supplémentaires. Ou finalement, est-ce que c'est plus dommageable, par exemple, pour l'équipe de France? Alors, c'est un peu une question compliquée de se passer de N'Golo Kanté, je nous ai trouvé parfois pas si souverain au milieu de terrain. Oui, mais pour moi c'est Mbappé pour la simple et bonne raison que Mbappé, en fait, à la limite, tu décides de donner la balle à l'adversaire et l'adversaire, au bout d'un moment, il a le ballon, il va commencer à jouer au foot. Et Mbappé, par sa vitesse en contre, le match de l'Argentine, il peut marquer. C'est ça. Après, Kanté, évidemment, il est précieux. Mais je pense que, tu me dis, si on joue l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, je suis d'accord, il faut Kanté au milieu. Face à la Turquie et l'Islande, l'Albanie, la Moldavie et l'Andorre, je pense que tu peux te passer de Kanté. Par contre, Mbappé, t'en as besoin, quoi. Donc, pour vous, Didier Deschamps jouera bien sûr avec trois attaquants, Mbappé, Griezmann, Giroud, fidèle à ses convictions. Pour moi, oui. Ah, je sais pas s'il est... Enfin, moi je regrette qu'ils mettent pas, par exemple, Coman sur un côté, Mbappé de l'autre, contre certaines équipes qui privilégient Matuidi, qui a toujours été bon en équipe de France, mais dont le milieu gauche, c'est pas le poste. Après, ouais, c'est vrai que contre ces équipes-là, on a la chance que Coman revienne bien en forme aussi. Il est un peu épargné par les blessures en ce moment. Ce qui est bien pour l'équipe de France. Parce qu'on voit, que sur le côté, au final, il n'y a personne qui s'installe, que ce soit Lemar, Martial qui est toujours blessé, Ikoné qui arrive à peine, Thauvin aussi blessé. Donc il a vraiment une carte à jouer, Coman, là-dedans. Après, pourquoi pas le garder comme un pack player à l'Euro, le faire rentrer aussi sur certaines séquences. Au-delà de l'équipe de France qui rejouera donc au mois de novembre pour aller chercher sa qualification sur les deux dernières rencontres, d'autres sélections étaient bien sûr sur les pelouses lors de cette période de trêve internationale pour les clubs. Et nous avons déjà plusieurs qualifiés. Et finalement, une question aussi, quels favoris sont en passe d'assumer leur statut plus que jamais? Bah oui, comme tu viens de le souligner, la trêve internationale est officiellement terminée et 6 nations ont réussi à décrocher leur précieux billet pour l'Euro 2020 qui se disputera du 12 au 12 juillet 2020. À 2 journées de la fin, donc plusieurs nations sont qualifiées, plus précisément c'est 6. Donc il y a l'Espagne, la Pologne, l'Italie, la Belgique, la Russie et l'Ukraine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à leur match nul obtenu en toute fin de rencontre en Suède, les coéquipiers de Sergio Ramos ont pris 6 points d'avance sur la Roumanie, 3e du groupe F, et ne peuvent plus être rattrapés, les oppositions entre les deux équipes étant favorables aux Espagnols. À la faveur de sa victoire en Macédoine du Nord lundi soir, 2-0, la Pologne de Robert Lewandowski dans le groupe G compte 8 points d'avance sur les Macédoniens et ainsi assuré de finir à l'une des deux premières places. Enfin, la Pologne, ils font carte en plein hein, dans leur groupe. Je pense à un épouvantail pour l'Euro. Avec sans faute dans le groupe J, 8 victoires en autant de rencontres. L'Italie a aussi déjà sa qualification en poche. Après, il ne faut pas s'enflammer. J'ai lu sur Internet le retour de l'Italie. Nanana. C'était un groupe Liechtenstein, la Grèce. C'était pas non plus... par rapport au groupe de la France, franchement, c'était vraiment un groupe facile. Un sans faute réalisé également par la Belgique dans le groupe I. Une poule sans suspense puisqu'avec 21 points, la Russie deuxième ne peut plus être rejointe non plus. Enfin, dans le groupe B, l'Ukraine avait validé sa qualification en venant à bout du Portugal 2-1. Il reste 14 tickets à attribuer directement aux deux premiers de chaque groupe, alors que les quatre dernières places pour l'Euro se joueront lors des barrages, c'est en lien avec la Ligue des Nations. J'ai pas encore très très bien On a compliqué le système, ouais, effectivement. Ouais. Donc voilà. Donc on a nos premiers qualifiés. Alors il y a des nations qui nous surprennent pas, hein, qui sont fidèles au rendez-vous. Le retour de l'Italie, ça fera forcément plaisir à Yacine, en tout cas parmi les qualifiés. Il nous avait parfois habitué à certaines déconvenues dans les dernières années. Ouais. Mais deux équipes... plus surprenante, c'est vite dit, pour un euro, mais qui sont qualifiés assez aisément dans leur pool respective. On pourrait même dire trois, qui sont des équipes d'Europe de l'Est, la Pologne, la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, une véritable sensation quand même dans le groupe du Portugal. Ils ont 8 points d'avance sur les Portugais, ils ont 19 points, le Portugal 11. Sensation Très belle performance. Sensation, je dirais pas ça parce que je. C'est plus les Portugais qui te déçoivent justement. Oui, un petit peu, mais ils ont toujours du mal à être performants. Mais moi, je connais un petit peu l'équipe d'Ukraine. Il y a du talent dans cette équipe. Après, c'est vrai que le fait qu'ils aient 19 points, c'est ça. Ça me surprend pas tant que ça. Shevchenko fait du très bon travail. Ils étaient, si je ne dis pas de bêtises, barragistes pour. Enfin, ils ont disputé les barrages pour aller à la Coupe du Monde 2018. Ils ont perdu. Mmh. Non, il y a vraiment du talent dans cette équipe. Yarmolenko, pour ne citer que lui, ça me surprend pas qu'il fasse une performance comme ça. Parce que bon, leur groupe, il est compliqué, mais pas tant que ça non plus. La Serbie, c'est bien, mais c'est pas non plus on attendait qu'elle très haut niveau. Pour moi, l'Ukraine est au-dessus de la Serbie, sincèrement. La Serbie était la dernière Coupe du Monde. Ça veut rien dire après. L'Ukraine leur a mis 5-0 à la Serbie, donc ça prouve que c'est sérieux cette année. Pour moi, l'Ukraine est. Moi, j'ai vu jouer les deux. Après, on va pas. En termes de valeur, c'est au-dessus l'Ukraine. Ouais. Mais que ce soit en valeur au-dessus, mais du coup, quand même, même si l'Ukraine a toujours bien travaillé, notamment dans la perspective des Coupes d'Europe, on a quand même une équipe d'Ukraine, justement, tu le dis, menée par Andriy Shevchenko, qui revient à son meilleur niveau par rapport à ce qu'ils ont pu nous montrer dans des compétitions européennes. Après, il y aura bien sûr un écart entre les qualifications à l'Euro et la compétition. Ce sera intéressant de les voir. Faudra voir ce qu'ils vont faire pendant la compétition. C'est notre paire de manches. Après, outre ces équipes, on peut aussi parler de la Suisse qui est pas bien dans son groupe, qui est troisième derrière l'Irlande et Danemark, même s'ils sont à un seul point derrière. La Suisse qui est un habitué de toutes ces compétitions-là et qui pourrait peut-être louper l'Euro. Donc à voir, parce que on voit qu'ils ont une belle génération, les Suisses. En Ligue des Nations, ils avaient bien tourné en étant demi-finalistes, il me semble. En Ligue des Nations, donc peut-être qu'ils vont passer à côté de cet Euro 2020. Les équipes du dernier carré de la Ligue des Nations, pas si souveraines, sachant qu'on sait qu'il y avait aussi le Portugal, bien Portugal, sûr, ouais. Qui accueillait d'ailleurs carré de la Ligue des Nations. Ils ont toujours du mal pendant les qualifs, mais après, moi j'ai un dernier pays, ça va te faire plaisir, Romain, c'est l'Espagne. Oui. Parce que l'air de rien, ils ont perdu aucun match et ils sont quand même dans une poule très compliquée avec la Norvège, la Suède et la Roumanie. Et faire la performance qu'ils réalisent encore, c'est quand même grandiose. Quoi. C'est quand même du costaud avec les problématiques qu'on sait qu'ils ont eu de sélectionneurs, notamment, qui ont changé à plusieurs reprises. Je pense que ça va être quand même la problématique dans un grand championnat d'Europe. Bah, avoir un entraîneur, je connais même pas le sélectionneur espagnol, ça va être être compliqué. Même je trouve que tu as parlé de l'Espagne, pour moi je trouve que leur groupe n'était pas aussi relevé que ça, et je trouve qu'ils ont un énorme problème en attaque, même si pour moi je mettrais peut-être Paco Alcácer qui est au-dessus des autres, parce que Morata il joue pas, qui suit beaucoup la Bundesliga, voilà. Donc je mettrais, mais après le problème de Paco Alcácer c'est qu'il se blesse assez souvent, il est fragile, voilà, c'est pour ça que le Barcelone ne l'a pas gardé. En parlant de Bundesliga, je voulais te dire pour l'équipe de Suisse, sur le 11 de départ qui a joué le dernier match, c'était 11 joueurs qui jouaient tous en Allemagne, qui jouaient tous en Bundesliga, parce que les Allemands ils aiment bien les Suisses. Incroyable. En parlant de l'Allemagne, et puisque tu as parlé de la Ligue des Nations, ils ne sont pas encore qualifiés parce qu'ils sont quand même avec les Pays-Bas dans le groupe. C'est quand même bon. Normalement, ils doivent finir tous les deux premiers parce que les Allemands ils reçoivent l'Irlande du Nord pour le prochain match. Mmh. S'ils gagnent, ils sont qualifiés. Les Pays-Bas, pareil, ils reçoivent l'Estonie. Donc, ça va être qu'une formalité pour eux. C'est juste que dans ces groupes-là, c'est qu'on avait quand tu as deux grosses équipes dans un groupe, ça met du temps à se qualifier. Et pour finir, pour le Portugal, je veux dire, Ronaldo va faire comme d'habitude, dernier match, triplé, va qualifier son équipe à lui tout seul. Enfin, il nous a habitués depuis quelques années. Je pense aussi, oui. Lui qui a mis son 700e but, si je ne me trompe pas, lors de la défaite contre l'Ukraine. Un but cadeau d'ailleurs. Dont un but cadeau. De l'arbitre, parce que le pénalty est très généreux. Mais écoute, je te crois, il faudrait que je revoie les images, sachant que je n'ai pas suivi cette rencontre, hormis le résultat, pour être honnête. Dans le reste de l'actualité sportive, très rapide. Rapidement, en MotoGP, comme en Thaïlande, Marc Marquez sur sa Honda s'est imposé devant Fabio Quartararo ce dimanche à Motegi au Japon. Décidément, le Japon est le centre du sport mondial en ce moment. Avec ce nouvel excellent résultat, le français Quartararo a sécurisé le titre honorifique de rookie de l'année. Face à la domination de Marquez, le prodige tricolore s'est donc logiquement contenté de l'opération comptable, même s'il a franchement été menacé par Dovizioso dans les derniers tours. À noter que derrière la suprématie marquaise au classement des pilotes. C'est très serré. Bon, Andrea Dovizioso est à une deuxième place assez solide, mais derrière lui, les Espagnols Alex Rins et Maverick Viñales se partagent la troisième place, et Fabio Quartararo est sixième avec 163 points, donc seulement à 13 points du podium. Magnifique début de saison complète en réalité, je me mélange les pinceaux, pour Fabio Quartararo, qui sera vraiment à suivre pour sa deuxième saison MotoGP l'année prochaine. Nous avions également cette semaine les championnats d'Europe de cyclisme sur piste, avec le retour de la France au plus haut niveau. Après un début de compétition plutôt difficile, les Français ont réalisé un superbe bilan. Benjamin Thomas, tout d'abord, a été sacré champion d'Europe de l'Omnium. C'était ce vendredi, lors des championnats d'Europe sur piste disputés à Apeldoorn aux Pays-Bas. Le Français Corentin Hermenot a décroché le titre européen de la poursuite individuelle sur le vélodrome, en venant à bout en finale de l'Allemand Dominik Weinstein, qui était le vainqueur sortant de la spécialité. Oui, Alex. Il a même battu le record de France qui détenait lui-même sur 4000 mètres en demi-finale. Donc vraiment un sérieux client, ce Corentin Hermenot, pour les prochains Jeux Olympiques. Quentin Lafargue est devenu champion d'Europe du kilomètre avec un autre Français sur le podium, Michael Dalmeida en bronze. La jeune Française Mathilde Gros a remporté la médaille d'or et le titre européen à l'issue du tournoi de Kérin. Brian Coquart, qu'on connaît bien maintenant sur la route, mais qui s'est formé sur la piste, a terminé à la deuxième place de l'épreuve de l'élimination, médaillé d'argent, derrière l'Italien, Elia Viviani, qu'on connaît aussi comme l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. Enfin, dernier résultat que j'ai noté, en espérant ne pas en oublier, l'équipe de France de vitesse, composée de Grégory Bauger, Sébastien Vigier et Quentin Lafargue, a obtenu la médaille de bronze mercredi dernier. Les Français ont devancé pour le bronze l'Allemagne dans un temps de 43 secondes 206 centièmes. Autre événement dont je souhaitais parler, c'est l'Euroleague. On va parler basket, ça fait la transition avec notre débat à venir après la pause musicale. Le retour donc de l'ASVEL en Euroleague pour son premier déplacement, malheureusement, après deux victoires à la maison face à l'Olympiakos et au Panathinaikos, l'ASVEL a sombré, un cauchemar pour eux du côté de Munich face au Bayern. Défaite finalement sur un score très lourd de 104 à 63. Je suis désolé de parler de l'ASVEL pour la première fois sur cette défaite, eux qui avaient si bien débuté. C'est la plus lourde défaite subie par un club français depuis la création de l'Euroleague en 2000-2001. Et les joueurs de l'ASVEL, de Tony Parker, sont pour le moment 8e sur 18 équipes, bénéficiant d'un bon début de compétition. On sera en attente de leur réaction lors des prochains matchs. Dernier sport qu'on va évoquer ce soir, et je laisse la parole à Alex, c'est le tennis. On sait qu'il y avait de la Ligue 1, je vous fais confiance pour pouvoir retrouver les résultats, et on avait aussi un Open de France de golf, voilà, je voulais quand même le préciser pour les curieux, Colsart, ils pourront qui a gagné regarder les résultats. Je te laisse donner le vainqueur du golf, Colsart. Je vois que tu suis très bien, et justement le tennis, il y avait notamment un retour, celui d'Andy Murray. Tout à fait. Au plus haut niveau. Ben, il a bien réussi son retour puisqu'il s'est imposé contre Stan Wawrinka à Anvers, 3-6, 6-4, 6-4. Du coup, c'était un retour gagnant pour Andy Murray. D'autres matchs, il y a Shapovalov à Stockholm qui a gagné face à Krajinovic 6-4, 6-4. Bencic, ça c'est chez les dames, à Moscou, qui a gagné 3-6, 6-1, 6-1 face à Pavlyuchenkova. Et dans le même, en gagnant, elle s'adjuge la dernière place pour le Masters. Par sa remontée au classement. Je crois qu'elle est 7e maintenant au classement. Et Ostapenko, Luxembourg, qui a gagné 6-4, 6-1 face à Julia Görges. Victoire assez facile. Et elle aussi, elle a fait un bon au classement. Je crois qu'elle est 9e. Mais merci Alex pour cette page tennis. On en reparlera dans les prochaines semaines. Il y a même un débat, même Tim qui n'est pas là ce soir n'est pas encore au courant, mais qui est en prévision pour le mois de novembre sur l'ensemble de la saison ATP et WTA de tennis. On passe tout de suite au sport montpelliérain. Jingle. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Dans le sport montpelliérain, notre focus sera réalisé par Jules et sera au sujet donc du MHR pour la première fois de l'année. Tout d'abord, dans l'actualité sportive à Montpellier, un bilan plus décevant cette semaine, surtout par rapport aux dernières semaines, et quand on pense à nos équipes les plus suivies dans la ville, donc nos équipes locales qui nous avaient habitués à des performances d'un autre calibre, c'est vrai, en ce début de saison, mais qui faisaient face à de gros défis, il faut aussi le dire, cette semaine. Au final, final, le bilan, 11 matchs, 5 victoires, 1 nul pour 5 défaites. À l'équilibre, mais on aimerait encore un peu mieux. Il y a eu un peu de frustration cette semaine. On va démarrer avec le MHB pour le compte de la 7ème journée de Lidl Star League. Le Montpellier Handball a concédé un deuxième match nul d'affilée sur le parquet d'Istres, 25 partout. Le MHB est 3ème du championnat, Tariq, derrière le PSG Handball qui domine ce championnat, et Nantes qui dispose de 10 points comme Montpellier, mais qui a perdu cette semaine à domicile en plus face à Toulouse, et une cuisante défaite, j'ai vu 34-26. Donc Montpellier fait match nul, mais finalement s'approche de la deuxième place. En championnat, bon, Montpellier arrive à un petit peu, on va dire, à tenir la cadence du Paris Saint-Germain. Bah, pour te dire, franchement, j'ai pas vu les matchs de championnat. J'ai beaucoup plus vu le match de Ligue des Champions contre Kiel, qui était un vrai rendez-vous justement. Voilà, tu peux revenir sur ce match qui a vu une défaite Montpellier-Rennes, mais un sacré match à suivre. C'était un très beau match. Malheureusement, si tu te souviens, au début d'année, je t'avais dit que Montpellier avait s'était beaucoup amélioré par rapport à l'année dernière, quand ils arrivaient à mieux gérer leurs matchs. Même si l'année dernière ils menaient genre de 10 buts, à la fin ils gagnaient que d'un but ou de deux buts, ben ils ont eu, enfin, le même truc s'est passé samedi dernier. Même s'ils ont raté leur première mi-temps, les Allemands ils étaient largement meilleurs qu'eux. Ils arrivent à rentrer à la mi-temps, ben, avec un but d'écart sur un superbe Kung Fu marqué à la dernière seconde par Valentin Porte, qui a été, je crois, désigné plus beau but de cette semaine. Et à un moment donné, ben, Montpellier arrive à passer devant. Et après, même je pense qu'il y a une petite erreur, c'est mon avis, mais il y a une petite erreur du coach, mener pendant un match de hand et après jouer à faire sortir ton gardien pour mettre 7 joueurs de champ, c'est quand même risqué, surtout quand tu joues contre des Allemands. Et la particularité des Allemands, c'est que même quand ils étaient menés, contrairement à Montpellier, c'est qu'ils ont eu un sang-froid. Même s'ils étaient menés, ils ont joué leur jeu, ils se sont pas précipités. Et à la fin, ils ont réussi à faire retourner, enfin, ils ont retourné le score et ils ont gagné 33-30. 33-30, le MHB est 3ème ex aequo en nombre de points avec les Hongrois de Veszprém et les Macédoniens du Vardar Skopje, derrière Kiel qui domine cette poule 1, poule B je crois, de Ligue des Champions, qui se montre impérial depuis le début de la campagne européenne par rapport à l'année dernière. Belle performance dans ce début de Ligue des Champions pour le MHB. Et concernant le championnat, ça devrait être l'objectif 2ème place malgré tout, au vu de la domination parisienne, comme Florian lui-même le précisait, et qui me dit que effectivement le PSG, le MHB ne suit pas forcément exactement la cadence du PSG. Faut croire qu'on n'est plus exactement dans la même cour non plus. Une autre équipe à citer cette semaine, c'est le MCVUC. C'était notre focus de la semaine dernière, réalisé par Corentin, et après s'être fait surprendre 3-7-1 dans sa salle par le voisin Sétois lors de la première journée de championnat, les volleyeurs montpelliérains ont été défaits de nouveau sur le parquet des Spacers de Toulouse, 3-7-0 après un premier set haut en couleur, je crois qu'il s'était terminé par 37-35. Premier set perdu qui n'a pas permis derrière aux Montpelliérains de revenir au score face aux Toulousains. Dans le choc de la troisième journée, il y avait un deuxième match pour Montpellier cette semaine en Liga masculine. Montpellier a ensuite lancé sa saison en venant à bout de Paris. Belle performance, 3-7-1, 25-23, 25-21, 18-25, 25-18 au Palais des Sports de Castelnau. Dans le quatrième et dernier set, les Montpelliérains sanctionnent la moindre erreur au bloc grâce au central français Kevin Kaba, qui aura fait un grand match. Et Montpellier en profite pour conclure sous l'ovation du public de Chaban-Delmas. Après 3 journées, le MCVUC est 10ème du championnat de France avec 3 points, alors que l'Arago de 7 se classe 3ème derrière Cannes et le leader nordiste Tourcoing. Pour le BLMA, il retrouve également les parquets, nos gazelles, à 2 reprises cette semaine avec la première journée d'Euroleague et le championnat de France, la LFB. Le bilan, une victoire et une défaite. Retour à l'Euroleague donc après une saison passée en Eurocup Women, et nos Latoises auront pu sentir que le niveau de l'Euroleague est encore plus élevé. Une défaite face à l'équipe hongroise de Sopron Basket, finalement assez logique, en manque de réussite avec 30% de réussite, 5 passes décisives et 15 pertes de balles. Les gazelles s'inclinent 53-66 face à un habitué de l'Euroleague féminine. Elles sont encore en train d'apprendre en championnat. Ensuite il y avait un match à l'extérieur et elles s'imposent à Saint-Amand 62-59 pour une 4ème victoire en autant de matchs, un succès important qui leur permet de conserver sa première place du classement devant Roche Vendée et Tarbes. Le MHSC masculin retrouvait les terrains après la trêve internationale et ils se sont inclinés, nos Payadins, ce samedi face au Stade de Reims pour le compte de la 10e journée. Rapidement mené sur un but d'Abdelhamid qui s'était élevé plus haut que Vitorino Hilton et Pedro Mendes pour tromper d'une tête puissance roulis dès la deuxième minute de jeu. Les hommes de Michel Derzakarian ne sont pas parvenus à revenir dans la partie pour ramener un point précieux de la pelouse des Rémois. Après cette défaite en Champagne, le MHSC se classe au 8e rang de la Ligue 1 avec 14 points. Les féminines du MHSC ont remporté un beau succès, 3-0 après le match nul face à Soyaux lors de la 5e journée. Les buteuses pour Montpellier, Léna Peterman, Valérie Gauvin l'international et Marie-Charlotte Léger. Montpellier 3e du championnat avec 13 points derrière l'Olympique Lyonnais qui, comme chez les garçons, a été freiné par Dijon 0-0. Et le Paris Saint, c'est la petite histoire, et le Paris Saint-Germain en tête avec 18 points en 6 matchs, donc qui met en difficulté les Lyonnaises. Les deux dernières équipes à citer avant d'arriver au MHR, les Vipers, qui ont encore perdu malheureusement 4-3 cette fois-ci, c'est assez rageant, à la patinoire Vegapolis face à l'équipe francilienne de Neuilly-sur-Marne. Vous en doutez du coup, au vu des derniers résultats, les Vipers restent derniers avec un bilan très inquiétant, 6 défaites en autant de rencontres. Seule victoire cette année, c'était le derby face à Nîmes en Coupe de France. Il va falloir absolument gagner très vite pour reprendre de la confiance et aller chercher son maintien. Le MWP, le waterpolo, on avait un derby ce week-end et le MWP a ramené la victoire in extremis sur le score de 14-13 face à la Rogo de 7. Exceptionnellement, ce derby à l'extérieur était à la patinoire Antigone, sachant que la piscine de 7 est actuellement indisponible. Les Poloïs Montpellierains sont deuxièmes de la première division de water polo derrière Pays d'Aix Natation. Ils ont remporté leurs 3 premières rencontres et cumulent donc 9 points après 3 journées. J'en viens justement sur le MHR, je donne juste le score des féminines qui fut sans appel pour les Coccinelles qui se sont imposées en Normandie à Rouen, je pense au pauvre public rouennais sur ce match. 80-0, bonus offensif à la clé, vous vous en doutez, avec pas moins de 14 essais marqués. Exceptionnel donc ce début de saison encore pour le MRC qui nous y habitue et qui continue à affirmer sa suprématie sur la poule 1 devant Bobigny 19 points qui sera le prochain adversaire et la S Bayonnaise 14 points, donc 25 points pris en 5 matchs pour le MRC, impossible de faire mieux tout simplement. Et d'ailleurs Jules, le MHR, le MHR chez les garçons s'est imposé face au Stade Toulousain ce week-end. Le MHR aimerait bien tourner aussi bien que ses féminines en ce début de saison. C'est vrai que ce samedi, le MHR recevait les champions de France en titre, le Stade Toulousain, au GGL Stadium. Les coéquipiers de Gabriel Ngandébé, auteur d'un doublé, l'ont emporté 33-22, de quoi partir en vacances sereinement. Parce qu'après 8 matchs, on a quand même un bilan très moyen, qui est de 4 défaites, 1 nul et seulement 3 victoires. On est loin des temps de passage, disait le nouveau coach Xavier Garbajosa. Un jeu qui est aussi entre séduisant, brouillon, propre, mais aussi indiscipliné, à l'image d'une mêlée malmenée en ce début de championnat. Du côté du jeu mis en place, c'est vrai que les supporters du MHR ces dernières années n'ont pas été les plus fournis dans notre championnat. Il faut remonter à la période Galtier de 2010 à 2014 pour retrouver un jeu réellement séduisant côté ciste, là où on s'appuyait plutôt sur la dimension physique et les ballons portés ces dernières années, ce qui continue un peu à être le cas et à faire la force de Montpellier. Très rapidement, au niveau des joueurs, je donnerai un top 3 de ceux qui donnent satisfaction en ce début de saison. On a Boutier qui vient de Pro D2, qui peut jouer arrière ou au numéro 10. Et qui c'est le capitaine à Vannes. Ouais. C'est ça, et qui s'est très bien adapté au top 14, qui anime plutôt bien. On pouvait se poser des questions quant à son niveau et à la marche qu'il faut franchir pour jouer en top 14. Il a montré qu'il avait le niveau. Ensuite, on a Gabriel Ngandébé, qui fait un gros début de saison aussi, encore auteur d'un doublé, et qui, s'il continue sur des performances comme ça, pourra pas être appelé en équipe de France. Et en troisième ligne, je mettrai Martin Devergie, qui enchaîne les titularisations et les bons matchs sous le maillet au Montpellierain. Sinon, il y en a aussi qui déçoivent. Mon top 3 des déceptions en ce début de saison, on a Cruden, qui bon, va bientôt partir à la suite de la Coupe du Monde, vu qu'il était Joker Coupe du Monde. Il y a eu un hommage, effectivement, en attendant, pour celui-ci, lors du dernier match. En attendant que Pollard vienne. On a aussi Benoît Payot, qui a du mal avec ses blessures récurrentes à retrouver vraiment une réelle assise sur le jeu montpelliérain, une réelle influence. Et ensuite, on a Willem C., qui a, je pense, il a mal digéré le fait de sa blessure, d'avoir loupé la Coupe du Monde, et qui a un petit peu de mal en ce début de saison. Après, on sait que avec tous les joueurs qui étaient à la Coupe du Monde et tous les blessés aussi qu'a eu le MHR, c'est pas catastrophique de se retrouver non plus à cette position là. Il va juste falloir relever la tête rapidement. Et selon vous, est-ce qu'avec tous les retours, le MHR peut prétendre à être beaucoup plus haut dans ce top 14? Moi, je pense que oui, au vu des équipes nous allons rencontrer, au vu aussi et surtout des joueurs que nous allons récupérer, que ce soit de l'équipe de France, Louis Picamol et Guillaume Guirado, qui ont en plus l'équipe de France qui sera derrière eux. Après, effectivement, je vois Alex qui hausse les sourcils. Ce n'est pas l'avenir, c'est sûr. Mais c'est deux joueurs d'expérience qui seront importants dans pas mal de matchs dans la saison. On va récupérer le numéro 10, André Pollard, de l'Afrique du Sud, qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, qui est un super joueur. François Stein, qui jouait déjà depuis plusieurs saisons au club et qui est également une valeur sûre. Je pense que Xavier Garbajosa a les moyens, en plus, de poser vraiment son empreinte sur le jeu montpelliérain, avec dans le staff Julien Thomas, qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, forcément, qui vient d'être tout juste retraité, mais qui connaît le club, qui aura les moyens, je pense, aussi d'axer sur le fait d'intégrer des joueurs de centres de formation ou de jeunes joueurs, comme on a pu le voir sur le début de saison. Après, il faudra voir effectivement dans les prochaines semaines, on en parlait avec Guillaume qui nous a parlé plusieurs fois rugby, on est dans cette période de Coupe du Monde qui est une période de transition, et dans cette période de transition le classement ne signifie pas grand chose, donc les cartes seront vite rebattues dans la période post-Coupe du Monde. Montpellier pour le moment 7ème du top 14 avec 17 points, à un point seulement du top 6. On sait aussi que pour Montpellier, l'enjeu premier, ce n'est pas la place à laquelle on va terminer, même s'il faut bien sûr être au minimum barragiste, mais c'est après comment cette équipe va réagir en phase finale. Oui, moi je te rejoins là-dessus. Après, sur le fait de remonter au classement, je pense que oui, parce que les ciels et blancs de l'aviron bayonnais, je ne les vois pas durer jusqu'à la fin de la saison dans le top 6. Montpellier est une grosse équipe avec un gros budget. Bon, même si maintenant en top 14, tout le monde a des gros budgets, mais ils seront présents comme beaucoup d'autres équipes. Après, moi je ne me fais pas de soucis pour le MHR, contrairement à par exemple une équipe comme le Stam français pour laquelle je me ferai plus de soucis, quoi. Pour laquelle on se fait beaucoup de soucis. Ce sera la conclusion de cette page de résultats. Après la pause de musicale, on se retrouvera en live Facebook avec un débat basket sur la saison 2019-2020 de NBA. NBA is coming back. C'était comme ça que je vous l'avais annoncé pour vous motiver tous. On prend notre première pause musicale et c'est le titre de Drake, Money in the Grave, en featuring avec Rick Ross. Yeah. Lil CC on that beat. Yeah, yeah. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts till they sat with the bars. I got two phones, one need a charge. Yeah, they twins, I could tell they ass apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out to save. I got Lil Max with me, he the wave. It's a big gap between us and the game. In the next life, I'm trying to stay paid. When I die, I put my money in a grave. When I die, I put my money in a grave. I really gotta put a couple niggas in a place. Really just lapped every nigga in a race. I really might tap realest nigga on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save hoes with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave you. I was on top when that shit meant a lot. Still on top like I'm scared of the drop. Still on top and these niggas wanna swap. Niggas wanna swap like it's lost in a Watts. I don't wanna change cause I'm good where I'm at. Mob tie, so I'm always good where I'm at. Word of Junior, Jazzy, Baby J. Tell him when I die, put my money in a crack. Couple figures, kill a skull and collect. She fuck a nigga, then she on to the next. Really living large, she in awe with a Mac. When you niggas think it's small in a mall with a rat. Roll with us if you really wanna get it. Go get a half a million in a Sprinter. Phone ringing, bitches know a big tipple. I got the hookup and there really no limit. Dead broke is in you nigga DNA. Ricky Smiley's indicated with the A. Lil' nigga just another state case. Bury my motherfucker Chase Bank, time to bounce. Gotta count on my allowance. You niggas snitching, so I gotta rewrite it. A nigga dripping like I got $1 zillion. Got the trap jumping like Zion when I rebound. Then I'm out, and I never talk about it. The homie squad, but we all smoke the loudest. Rich niggas, and I'm really being modest. Cause the way I do my deals, never treated like an artist. Want the house, you could DM my account. My DM six figures and I'm counting. 9 figures was the goal till I hit it. These niggas ain't living, so bury mine with me. Ross got it. When I die, I put my money in a grave. I really gotta put a couple niggas in a place. Really just lapped every nigga in a race. I really might tap realest nigga on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save hoes with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave you. Et de retour dans Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Nous allons parler ce soir NBA. Et d'ailleurs, c'est parti. Tout de suite, jingle, débat de la semaine. Sport & Chill, le débat de la semaine. Vous pouvez nous retrouver en live Facebook sur ce débat NBA. N'hésitez pas à réagir pendant ce moment de débat, mais également en dehors de l'émission. Je pense que c'est un sujet qui va nous occuper, notamment sur le Café du Commerce. Je vous invite d'ailleurs à voter. Nous avons mis un sondage qui touche aux deux franchises de Los Angeles qui vont forcément orienter l'ensemble des projecteurs sur ce début de saison NBA, avec la question suivante: qui des deux franchises, des Los Angeles Clippers et des Los Angeles Lakers, réussira pour vous, c'est aussi du feeling, la meilleure saison? La saison 2019-2020 de NBA démarre dans la nuit de mardi à mercredi avec deux matchs à suivre tout à fait alléchants. Je pense qu'un de nos chroniqueurs ne dira pas le contraire, sachant que les New Orleans Pelicans démarreront la saison face aux champions, en titre champion NBA, des Toronto Raptors à 2h du matin, et qu'on aura ensuite justement l'affiche tant attendue en ouverture entre les Lakers et les Clippers à 4h30. NBA is coming back, comme je vous ai dit, et je pense que ça nous ravit tous, que ce soit Tariq, supporter des Dallas Mavericks, de Jules avec sa casquette des New Orleans Pelicans. Qu'est-ce que nous réserve cette saison? Qu'est-ce que tu as à nous dire pour nous mettre en haleine, Jules? Alors d'abord, un petit retour sur ce qui s'est passé l'année dernière, parce qu'on a eu quand même une grosse saison 2018-2019 qui a vu les Raptors, un peu à la surprise générale, battre les Warriors handicapés par les blessures en finale NBA sur le score de 4 à 2. Kawhi Leonard, avec son CDD le plus efficace de l'histoire, un an à Toronto, a ramené un premier titre pour la franchise canadienne. Cependant, malgré les tentatives de séduction de Masai Ujiri, le GM, le manager général de Toronto, Kawhi a choisi le soleil californien cet été de Los Angeles, et plus particulièrement la franchise des Clippers, où il retrouvera une autre superstar, Paul George. L'occasion pour nous de faire un point sur cet été 2019 pour le moins agité dans la Grande Ligue. Beaucoup de mouvements côté des superstars. Du coup, je vous ai concocté un petit top 10 de tous les mouvements. Vous me donnerez votre avis à la fin. Numéro 10, du coup, on a Al Horford qui est parti des Celtics pour signer aux Sixers. Numéro 9, Kemba Walker, pareil, qui a quitté Charlotte pour signer aux Celtics. On a Jimmy Butler qui a dans un sign and trade, c'est-à-dire qu'il a re-signé, pour pas être agent, il a re-signé à Miami et Miami l'a échangé à... Non, il a re-signé à Philadelphie et Philadelphie l'a échangé à Miami plutôt contre Josh Richardson et des tours de draft. Septième, on a Mike Conley qui a été transféré de Memphis à Utah. En sixième, on a Paul George qui a été transféré de Oklahoma City aux Clippers contre Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et quelques choix de draft aussi. Là, on rentre dans le top 5, c'est du lourd. On a Kyrie Irving qui est parti des Celtics justement pour laisser la place à Kemba Walker et qui lui a signé aux Nets, où il jouera peut-être pas l'année prochaine au vu de la blessure de Kevin Durant, mais où il jouera prochainement avec KD, qui lui justement a fait la même chose que Jimmy Butler, un sign and trade. Il a re-signé aux Warriors avant de se faire transférer aux Nets contre D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, le meneur All-Star qui fait le chemin inverse pour aller jouer aux Warriors. Sur le podium, Russell Westbrook, qui a été tradé contre Chris Paul et quelques tours de draft aux Rockets. On attend ce duo avec... il reforme le duo Westbrook-Harden aux Rockets. Kawhi Leonard, free agent, qui a signé aux Clippers, du coup. Et en numéro 1, bon, c'est un peu parti pris, j'ai mis Anthony Davis, qui a pas signé, mais qui a été transféré contre Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, et des tours de draft pendant les 25 prochaines années des Pelicans aux Lakers. Donc avec tous ces transferts, on assiste à l'émergence de nouvelles grosses équipes en NBA cette année. Quelles équipes vous excitent le plus, messieurs, cette année? Tariq, peut-être pour démarrer sur ce débat NBA. Pour l'histoire, je dirais les Lakers. Je trouve qu'ils ont une assez bonne équipe. Certes, ils ont deux stars maintenant, je pense qu'ils vont faire du mal. Et même les compléments qu'ils ont autour, c'est de très bons joueurs. Ils ont récupéré Dwight Howard, même si, bon, Dwight Howard, c'est plus ce que c'était, mais défensivement, il va apporter un petit peu de puissance. Ils ont Kuzma, qui est très très bon aussi. Rondo, quand il veut jouer, c'est All-Star. Et quand, bon, il veut pas jouer, c'est un joueur... banal. Voilà, banal. Voilà, il y a McGee aussi qui est très bon quand il veut. Donc je trouve qu'ils ont une très très bonne équipe, les Lakers. Après, bon, à l'Ouest, ça va être la folie cette année. Donc, mais bon. Et bien sûr, LeBron, qu'il faut savoir, depuis, je crois, 10 ou 12 ans, c'est la seule année où il a eu des vacances. Oui. Où il n'a pas joué de playoffs. Donc play-off, je pense que physiquement, il va être frais. Et ça peut jouer... sur la saison. Après, il faudra effectivement savoir se préparer pour les playoffs. Pour le moment, on est sur ce tout début de saison régulière. La route est longue. En tout cas, c'est vrai que la NBA était très polarisée, notamment vers une franchise de San Francisco. On va maintenant vers les voisins de Los Angeles, avec donc à San Francisco, bien sûr, les Golden State Warriors qui avaient les superstars de la ligue. Il faudra pas malgré tout les oublier, hein, comme je le mettais au travers d'une de mes questions que vous pourrez retrouver donc sur notre live Facebook. Cette franchise va être assez handicapée quand même. Elle a perdu de gros joueurs à l'image de Kevin Durant. Elle a aussi une superstar blessée et pour un moment, Klay Thompson. Il viendra pour le All-Star, mais All-Star ouais, Game. Il devrait revenir et peut-être au bon moment justement pour être prêt pour les playoffs. Donc pour moi, c'est un bon outsider pour le titre, et on va avoir quelque chose d'intéressant à l'Ouest. Par contre, ce ne sera pas une des équipes qui risque de truster l'une des premières places de la saison régulière. Tu disais les Lakers, pas forcément parce que c'est une équipe que j'apprécie plus que ça, mais j'irai vers l'autre franchise de Los Angeles, les Clippers, notamment parce qu'il y a deux joueurs que je trouve très excitants à suivre et à voir jouer, et à savoir comment ils vont réussir à travailler ensemble pour proposer quelque chose avec ces Clippers, que sont Paul George et Kawhi Leonard, qui a été le MVP des finales de l'année dernière à Toronto, et qui est peut-être actuellement l'un des tout meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Donc ça, pour moi, c'est très stimulant. Et puis, contrairement aux Lakers, les Clippers, dès la saison dernière, nous avaient montré quelque chose de plus construit. Il y a une âme dans cette équipe. Finalement, il y a plus une âme en ce moment du côté des Clippers que des Lakers. Avec des joueurs comme Patrick Beverley, Montrezl Harrell, Lou Williams, c'est des joueurs qui l'année dernière, ils n'avaient pas forcément un gros effectif, mais ils se battaient sur tous les ballons, ils ont réussi à accrocher les playoffs. Et là, comme tu disais, il y aura cette course pour la première place à l'Ouest entre peut-être les deux équipes de Los Angeles. Ne pas oublier les Rockets. J'allais le dire, Houston, ça va être intéressant. Ils ont réussi à prendre Westbrook. Je suis très curieux de voir ce que Westbrook et Harden vont donner ensemble. Et derrière, on a aussi un petit peloton qui se dégage avec Denver, qui était là l'année dernière, deuxième de conférence. On a Portland qui a fait les finales de conférence et qui est toujours là. Avec une équipe assez proche de Lillard, McCollum. Et ils ont récupéré Whiteside aussi cet été, qui peut être. Qui était à Miami. Qui peut être une bonne pièce. On a aussi Utah qui a énormément bien recruté avec l'apport de Mike Conley, un meneur d'expérience, et aussi l'arrivée de Bojan Bogdanovic des Pacers. Donc c'est assez ouvert à l'Ouest. Après, si on passe de l'autre côté, à l'Est, moi je ferai se dégager vraiment deux équipes qui pour moi ont le plus de chances de finir première dans cette conférence Est. Ça serait Milwaukee, qui a conservé la même ossature que l'année dernière, sauf peut-être la perte de Malcolm Brogdon. Et Philadelphie. Philadelphie qui, avec Al Horford et Josh Richardson, même s'ils ont perdu Butler et Redick, ils seront encore bien armés cette saison. Je sais pas ce que t'en penses, Tariq. Ouais, moi j'ai le même avis. Hein. Oui, même pour les équipes que je vais vous donner mes petits pronostics, c'est des pronostics un peu personnels. Hein. Sans vrai, j'ai pas donné de classement, j'ai donné 4 favoris, 4 challengers. Donc, comme tu l'as dit à l'ouest, bon, j'ai mis les 4 favoris, les Clippers, les Lakers, les Rockets. J'ai gardé les Warriors parce que je trouve que les Warriors, ils étaient déjà très forts avant l'arrivée de Kevin Durant. Et je trouve que c'est cette équipe qui a rendu Kevin Durant plus fort, contrairement à ce qu'il était à OKC, je dirais, s'ils arrivent à, comme tu l'as dit, Klay Thompson va arriver au bon moment, donc pour eux, je pense, être 5e, 6e, ça peut être bien, et avoir leur grosse équipe prête pour les playoffs. Il faudra avoir aussi Diamond Green, il se réveille lui souvent au printemps, je pense qu'il faudra qu'il se réveille un peu plus tôt pour aider l'équipe, et je te rejoins sur D'Angelo Russell, qui est un très bon passeur. Je pense que ça sera très bien pour Steph Curry pour des shoots à 3 points. Pour les 4 challengers à l'ouest, je te rejoins aussi. J'ai mis les Blazers de Portland, j'ai mis les Nuggets, mais ça va dépendre de Nikola Jokic. Parce que si c'est le Nikola Jokic du championnat du monde, alors là, en plus, j'ai vu une photo tout à l'heure, il est en surpoids. Ouais, il est en surpoids. Ça se voit, hein, c'est flagrant. Donc. Voilà, qui avait été un des grands bonhommes de la saison dernière. Voilà, qui a été un des grands bonhommes, et je pense que les Nuggets auront vraiment besoin de lui cette année. J'ai mis les Utah Jazz, et la dernière équipe, bon, j'ai mis, on va dire le choix du cœur, j'ai mis les Mavs. Je trouve que bon, c'est faisable d'avoir une 8e place. Déjà, arriver en play-off, ça sera déjà bien. Après, il faut que le genou de Porzingis tienne. Voilà. C'est ce que j'allais dire, il faut que Porzingis tienne toute l'année. Il faut que Porzingis... Bon, après, j'ai vu qu'il a signé un contrat où il sera au repos, je pense, pendant 15 ou 20 matchs, donc il n'enchaînera pas tous les matchs. Bon, ça peut peut-être aider ou pas, mais voilà. Et puis on aura envie de suivre forcément avec beaucoup d'attention la deuxième saison NBA de Luka Doncic. C'est ça. Ah, le duo s'annonce terrible. Voilà, ça va être pas mal. Il y a Tim Hardaway Jr. aussi, si il arrête un peu ses gris-gris et joue bien régulièrement, ça peut être un bon joueur. Donc voilà, à peu près. Bon, j'ai pas mis les Spurs. Je pense que ça va être la saison où ils seront en play-off, ils accrocheront toujours une 7e, une 8e place, mais... Vu les équipes qu'on a dit, ça peut être tendu, mais oui, y a quand même à l'expérience, Aldridge. Ils peuvent faire sauter justement une de ces équipes qu'on citait. Aldridge, DeRozan, c'est quand même des All-Stars confirmés et solides. Oui, je les vois pas au-delà de la 10e place, en tout cas, c'est évident, voire effectivement en play-off. Il y aura une bataille, on va dire, entre 4 équipes, je pense, les Pelicans, les Mavs, les Spurs et les... Kings, enfin les Pelicans, ça dépendra de Zion Williamson. Ils seront pas en playoff, je pense. Je pense que ce sera compliqué pour être en playoff. Je serais étonné aussi. Je serais étonné. Mais entre la 10e, enfin 12e et 8e place, ça sera ces 4 équipes-là. Mm. Alors que par contre, effectivement, vu des trades, une franchise dont on n'a pas parlé à l'ouest, OKC disparaît des radars et devrait finir en fin de classement. Ils ont perdu leur duo, Westbrook parti du côté de Houston et Paul George du côté des Clippers. Donc, sans doute une saison sans pour Oklahoma, un peu à l'image de Cleveland à l'est la saison dernière lorsque LeBron est parti. C'est ça. Et pour l'Est, pour les 4 favoris, ça sera les Bucks, les Sixers, les Celtics et les Raptors. Même s'ils ont perdu Kawhi Leonard, je pense tellement à l'Est, il n'y a pas énormément de grosses équipes. Je pense qu'ils peuvent. Pas les Celtics pour toi dans le top 4, du coup. Si, je les ai mis les favoris. Si c'est les, cas, favoris, c'est le top 4. On est d'accord, j'avais pas entendu, excuse-moi. Et pour les 4 challengers, j'ai mis les Nets. Je pense qu'ils seront challengers parce qu'il n'y aura pas Kevin Durant. S'il y avait eu Kevin Durant, je les aurais mis peut-être un peu plus haut. Je mets le Heat de Miami aussi, qui peuvent être 7e, 6e. Les Pacers, et allez, j'ai mis aussi les Bulls, parce que j'ai vu deux de leurs matchs de pré-saison. J'ai trouvé qu'ils étaient très très bons avec Lavine et un jeune joueur qui avait une coupe afro qui était excellent. Leur rookie Kobe White qui est pas mal. Après, c'est un peu jeune Chicago à mon avis cette année pour faire quelque chose. Je pense que t'as oublié le Magic aussi, le Magic qui était allé en playoff l'année dernière avec Evan Fournier et Fournier qui est en pleine bourre et qui pourrait aussi être au port du top 5 pour moi. Au port du top 5, je pense que les Pacers ont un peu régressé. Selon moi, ils seront derrière le Magic cette année. Ça, c'est des petites prévisions. On a Détroit aussi qui sera pareil au port des playoffs, on va dire Détroit. Mais sinon, derrière, on a des équipes comme Charlotte qui vont totalement disparaître. Charlotte, à mon avis, ça va être... Charlotte sans Kemba Walker parti au Boston Celtics. Ça va être très compliqué. Et on a voilà, Cleveland, pareil, ça va être dans les profondeurs avec New York. Et j'attends de voir Atlanta, ce que ça va donner avec le duo Trae Young-John Collins, avec beaucoup de jeunes joueurs. Trae Young qui avait fini la saison régulière en boulet de canon l'année dernière. Ouais, qui était vraiment dans la discussion pour être rookie de l'année avec Luka Doncic. Et cette année-là, je suis vraiment curieux de voir ce que cette jeune équipe encadrée par Vince Carter peut faire cette année. Malgré tout, à l'ouest, hein, si on reprend le classement de Tariq, où à quelques nuances près, nous sommes à peu près tous d'accord sur les équipes citées, il y a vraiment un changement de hiérarchie avec des trades incroyable avec l'arrivée d'Anthony Davis du côté des Lakers avec LeBron James, avec le duo aux Clippers maintenant, Paul George, Kawhi Leonard. À l'inverse, et puis avec les Warriors du coup un petit peu plus au second plan, à l'inverse, à l'Est, il y a quand même une hiérarchie qui se maintient, mais une franchise a été, on n'a pas trop parlé jusque-là, championne NBA, c'est les Toronto Raptors. Je sais que pour le coup, Alex, qui n'a pas intervenu jusque-là, qui est moins porté sur la NBA, apprécie tout particulièrement cette franchise canadienne qui a marqué l'histoire. Il risque d'être un cran en dessous cette année. Objectivement, Kawhi Leonard faisait la différence dans cette équipe, mais t'espères le top 4 toujours? Oui, bah après, bon, quand on a un petit coup de cœur, après on espère toujours, hein. C'est pas forcément très objectif, mais je pense que oui, ils peuvent faire top 4. Après, effectivement, le départ de Leonard va faire beaucoup de mal, parce que c'est quand même le premier MVP qui s'en va de suite, enfin le premier MVP d'une finale qui quitte sa franchise, quoi. Donc ça, c'est quand même assez, ça fait quand même assez mal, quoi. Mais non, pour moi, les équipes, vraiment, je mettrais les Rockets, parce que dans la pré-saison, j'ai vu qu'ils avaient tenté beaucoup de paniers à 3 points, donc en tout cas, ça peut être une équipe assez spectaculaire à avoir joué. Après, je suis assez intéressé par le duo à Brooklyn entre Irving et Durant. Ouais. Même si Kevin Durant reviendra plus tard après cause de sa blessure. Il est blessé, mais je pense que ça peut quand même faire quelque chose. Et puis je mettrai les Clippers justement avec Leonard et George. À mon avis, comme troisième larron, quoi. Troisième larron. C'est vrai que ce que t'as annoncé, Romain, avec toutes ces superstars un peu qui sont partis à l'Ouest, ça nous montre aussi, ça creuse un peu ce fossé entre l'Ouest et l'Est. Bon, on a Kevin Durant qui est parti à l'Est lui cet été, mais ça creuse ce fossé ça montre aussi l'écart entre ces deux conférences. Et l'année dernière, bon, Toronto a réussi à l'emporter. Cette année, je suis moins optimiste que toi, Alex. Je pense que ça va être très compliqué pour eux. Ils ont re-signé Pascal Siakam pour le max. Donc c'est peut-être ça va être l'équipe de Pascal Siakam. On sait qu'il a explosé l'année dernière. Il faudrait qu'ils se maintiennent à ce niveau-là avec Kyle Lowry. Avec Marc Gasol aussi. Ils seront tranquillement en play-off. Mais après, de les voir dans le top 4, j'ai plus de doutes. Eux qui... à contrario de l'année dernière, qui a été tout à fait exceptionnel avec ce titre NBA, ont eu plutôt du mal en playoff les années précédentes, martyrisés notamment par les Cavaliers de LeBron James. Il semble se dessiner à l'Est un podium entre Milwaukee, entre les Boston Celtics et leurs rivaux historiques aux États-Unis, les Philadelphia Sixers de Joel Embiid. Ça risque d'être quand même intéressant. On revenait sur ces mouvements de transfert avec des joueurs de l'Est aussi qui reviennent à l'Ouest. On peut penser bien sûr à la superstar Kawhi Leonard. L'année dernière, on avait posé la question dans notre premier débat NBA, est-ce que la conférence Ouest ne tue pas la conférence Est? Pour autant, le champion final avait été les Toronto Raptors. On est très loin des playoffs, des finales NBA. Là, on se fait un petit peu plaisir avec cette question, mais pour vous, est-ce que vous pensez que une équipe de l'Est ne peut pas concurrencer cette année une équipe de l'Ouest au vu des forces en présence, ou que ça reste imaginable, notamment pour ces deux belles franchises que seront cette saison encore sans doute Milwaukee avec Giannis Antetokounmpo et Philadelphie avec en plus une ossature intéressante avec Joel Embiid, avec Tobias Harris, avec aussi Ben Simmons qui me revenait plus, merci. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je trouve que en fait, c'est des cycles. Il y a de ça quelques années, ben, à l'Est, on avait LeBron James, on avait D-Wade, on avait Chris Bosh, on avait les Chicago Bulls de Derrick Rose. Certes, il y avait peut-être pas autant de, d'équipes bonnes comme à l'Ouest cette année. Je pense que ça doit être historique, hein. Ça n'a jamais existé d'avoir les 12 équipes qui peuvent, 12-10 équipes qui peuvent jouer pour se qualifier en play-off. Après, je pense que voilà, dans quelques années, bah, certaines stars vont revenir à l'Ouest, puisque bah, c'est des tours de draft. Après, on prend l'exemple des Clippers. Certes, ils ont pris deux champions, enfin deux superstars, mais s'ils ne gagnent pas le titre dans les deux saisons à venir, ils ont laissé tomber tout leur tour de draft pour les prochaines années. Donc c'est maintenant ou jamais pour les Clippers. Les Lakers, pareil, en récupérant Anthony Davis, ils ont donné je sais pas combien de tours de draft aux Pelicans. Les deux franchises de Los Angeles prennent un risque. C'est ça. Donc pour eux, je pense que c'est beaucoup plus à moyen terme, essayer de gagner le titre cette année ou l'année prochaine. Mais voilà, LeBron James, bah, il a quel âge ? Il a 34 ans, donc... tu prends bon, les Clippers sont encore jeunes, Paul George et Kawhi Leonard, mais voilà, c'est un risque. Tu peux soit gagner maintenant, si tu gagnes pas, tu auras pas de tour de draft, et ben ça sera un peu comme les Knicks qu'on voit plus depuis Souffert de ça aussi. Voilà, les Nets, leur transfert. Donc, à l'époque, je te rejoins quand tu dis l'Ouest a tué l'Est pour le moment, mais il faudra voir sur le long terme, l'Est pourra reprendre un peu. Et en NBA, on parle beaucoup de fusionner les deux conférences pour faire se qualifier, au lieu de 8 dans une conférence, 8 dans l'autre, faire se qualifier les 16 meilleures équipes de la NBA. Moi, je suis plutôt pour, mais je pense que dans les 16 meilleures équipes de la NBA, il y en aurait bien 11-12. 11-12 peut-être à l'Ouest et seulement 4 à l'Est. Donc après, c'est dans les petits papiers de la NBA. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais c'est vraiment des questions qui se posent chez Adam Silver et tous les commissionnaires de la NBA. Ouais, c'est des grosses discussions qu'il y a. Oui, Alex. Après, pour répondre à ta question, c'est vrai que je suis un petit peu moins la NBA dernièrement, mais je la regardais beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Et dans mes souvenirs, sur le plan historique, pour moi, les équipes dominatrices, c'était vraiment les équipes de l'Est. Et j'avoue que là, c'est un petit peu ça s'est inversé. C'est quelque chose qui, moi, me surprend parce que, effectivement, pour moi, les équipes à l'Ouest. Il y a un changement à part de paradigme. Les Lakers, c'était pas. Oui. Ça valait rien, quoi, entre guillemets. Hein. Voilà, moi, je me souviens des Celtics et des Bulls qui étaient au sommet. Et donc, ouais, ça fait quand même bizarre. Ouais, c'est vrai que l'Est est devenu moins attractif que l'Ouest. Et on sait que, voilà, c'est la course aux énormes transferts dans la NBA. La fin de saison dernière nous avait donné des trades totalement hallucinants. Et forcément, en tout cas, c'est palpitant pour nous d'imaginer, même ne serait-ce que les premières semaines de NBA, pour découvrir ces nouvelles équipes qui ont beaucoup changé. On sait que par rapport à d'autres sports, par contre, c'est aussi quelque chose qui peut parfois faire discuter, de voir ces joueurs qui ne cessent de changer d'équipe et avec peut-être un peu moins d'identité. On retrouve un duo Harden-Westbrook, mais qui était un duo d'OKC, qui est maintenant le duo de Houston. Kawhi Leonard, qui est à Toronto et qui était aux Spurs et maintenant qui est la star des Clippers, et où il y a eu des rumeurs sur les Lakers. Pour autant, c'est aussi tout ce qui fait la saveur de la NBA, non ? Ah, de nos jours, ils changent beaucoup, les joueurs. On sait que maintenant, ils essaient de monter des super teams. On a vu cet été Paul George et Kawhi Leonard qui se sont accordés pour aller tous les deux aux Clippers. À une époque, on restait souvent toute sa carrière dans sa franchise. Beaucoup de stars l'ont fait, comme Larry Bird, Magic Johnson ou Michael Jordan, même s'il est parti au Wizards sur la fin, on essaiera d'oublier ça. Mais maintenant, les joueurs ont compris qu'il fallait se réunir à plusieurs stars dans la NBA actuelle pour pouvoir gagner des titres. C'est discutable, mais gagner un titre en étant une seule star entre guillemets dans son équipe avec plusieurs lieutenants, ils ont compris qu'il fallait, c'était la course à l'armement, et du coup c'est exactement ça, ils essaient de se regrouper au moins à deux voire trois pour essayer d'avoir le plus de chances possible de gagner ce titre. Ce sera une saison NBA particulièrement intéressante à suivre. On essaiera d'en discuter dans l'émission le plus régulièrement possible, mais aussi on vous invite à réagir avec nous sur la NBA, que ce soit par Twitter, Facebook, sachant qu'avec notre programme plus resserré, on ne parlera peut-être pas NBA non plus toutes les semaines, mais on essaiera en tout cas le plus régulièrement possible, et puis on espère aussi que les franchises et les joueurs feront que il n'y aura pas de questions à se poser, il faudra parler NBA. Je rappelle les deux premiers rendez-vous, donc Toronto Raptors, New Orleans Pelicans à 2h du matin et Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers à 4h30 dans la nuit de mardi à mercredi. Je vous encourage fortement à voir ces deux matchs qui seront pas forcément au meilleur des horaires, mais même en rediff si possible, et à découvrir donc le programme de la NBA et l'ensemble des matchs qui auront lieu dans les prochains jours et même prochaines semaines. Merci à vous pour ce débat, messieurs. On va prendre notre première pause musicale. On verra verra si nos pronostics un peu NBA s'avèrent justes. Et cette pause musicale, c'est le titre de Travis Scott, Highest in the Room. In the room, hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car at Zoom. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie. Don't cry my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Case is fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. We ain't stressing about the loot. My block made a case for real. This not the molly, this the boo. Ain't no coming back from here. Live a life a lot familiar. It's so much gain that I can't see her. Turn it up till they can't hear. Running, running round for the thrill. Yeah, dog, dog, run my reel. Been on this since we was kids. I fill my mind up with ideas. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM avec votre programme sport de la semaine Sport and Chill. Et tout de suite, on se retrouve avec le grand moment du soir, Jingle Quiz. Sport and Chill, le quiz. Quiz proposé par Guillaume, encore une fois, je ne sais pas comment il va enchaîner, s'il va nous faire ça toute la saison, je lui demanderai, mais il nous régale avec ses quiz, où parfois certains peuvent avoir peur qu'il y ait trop de rugby, mais je vous assure, pour les suivre semaine après semaine, que c'est assez multisport, et puis le rugby bien sûr prend de la place, parce que nous sommes en temps de Coupe du Monde. Nous avons trois chillers autour de la table, en individuel, donc Tariq, Jules et Alex, je le rappelle, pour nos chroniqueurs. Et c'est parti pour la première question. Et je ne donne pas le sport, vous allez vite comprendre pourquoi. Depuis deux semaines, vous pouvez me couper à n'importe quel moment, c'est rapidité. Depuis deux semaines, d'abord à Indianapolis, puis à Naples ce week-end, huit équipes se sont affrontées dans une toute nouvelle compétition dont la grande finale aura lieu en décembre à Las Vegas. Cette compétition a pour sigle ISL. E-sport. De quel sport s'agit-il ? E-sport ? Non. C'est pas le foot à 5 ou 6, je sais plus. Non, c'est pas du football. Ce n'est pas électronique. Et c'est un sport plutôt majeur, mais ce n'est pas un sport collectif. Une nouvelle compétition dont le sigle est ISL. Je vous aide, c'est un anglicisme. Donc le sigle, il faut retrouver en anglais, peut-être ça pourra vous aider, pour ceux qui sont bilingues autour de la table, bien sûr tout le monde, avec une émission qui s'appelle Sport and Chill, je le rappelle. Donc à Indianapolis, à Naples, mais aussi la finale aura lieu à Las Vegas en décembre. C'est un sport individuel où des Français s'expriment généralement plutôt bien. notamment aux Jeux Olympiques. Si vous n'avez pas l'âge... Judo ? J'aurais du mal à vous aider. Non, ce n'est pas du judo. Athlétisme, je crois. Lancer un sport. Du kayak ? On lance. C'était sur une piste déjà... Natation, natation. Ah là là. Alex qui la récupère. Je ne sais même pas pourquoi j'ai laissé autant de temps pour répondre à cette question. Mais bon, ça fait un point. C'est de la natation. Ouais. C'est une nouvelle compétition internationale avec pour concept un système d'affrontement entre franchises. Assez hallucinant pour la découverte. Elle consiste en des courses simples de 50 mètres aux 400 mètres où les nageurs s'affrontent pour apporter des points à leur franchise. L'équipe française Énergie Standard a remporté les deux premières étapes avec notamment de belles performances de Florent Manodou ou encore de Chad Leclos, le Sud-Africain. Voilà, c'est curieux, mais je vous invite à découvrir cette compétition. On fait des compétitions en 1 contre 1 maintenant en natation. Ouais. Question basket. Combien de Français autour de table sont sous contrat en NBA 8. Cette saison? Ah pardon. Tu démarres 8. Du coup. 8 pour toi. 7. 7. Je dirais 6. Tu as dit 8 et tu es le plus proche, mais messieurs, vous n'y êtes pas. C'est 11. 11 Français en NBA cette année, quand même. C'est plutôt pas mal. Prochaine question, et c'est une question tour de table aussi. On verra si vous avez bien écouté. Fabio Quartararo a encore fini deuxième ce week-end en MotoGP. Avec 6 podiums, quelle place occupe-t-il au classement mondial? Et je vais démarrer par Alex, hein, qui a 2 points pour le moment. 5. Cinquième. Cinquième. Cinquième pour Jules. Cinquième. Cinquième pour Tariq. Eh bien, messieurs, je pourrais donner aucun point. Vous m'avez mal écouté. C'était 6. C'était 6. Ah. J'attendais que quelqu'un prenne le risque. Il est sixième, même si très proche de la cinquième place. J'ai même dit très proche du podium. Avec 3 courses restantes, il peut donc, effectivement, comme le notait Guillaume, encore accrocher le podium. Il a 163 points contre 176 pour les deux Espagnols, troisième et quatrième. Prochaine question, et c'est une question basket de nouveau. Rapidité. Cette année, une innovation a été testée en Summer League et sera mise en place en G League avant de sûrement atteindre la NBA très prochainement. Mais quelle est cette innovation? Le challenge par les coachs? Non, ce n'est pas le ça. Le VAR? Bien tenté. Alors là, aucune idée. Ça ne me dit rien du tout. Une innovation de quelle qui touche aux, c'est une nouvelle règle. Au jeu, ce n'est pas une règle. Ah. C'est quelque chose qui a rapport aux statistiques. Et qui a rapport. Les joueurs vont porter des. Comment ça s'appelle des... J'ai du mal à savoir comment donner un indice en tout cas. Des indicateurs de performance sur leur corps, là, comme ça les cyclistes. Ça pourrait être ça. T'es sur une bonne piste, mais c'est pas sur les joueurs. Ah. Les micros sur les arbitres? Non, vous avez pas, je peux pas vous faire gratter des points toujours de raccro. C'est un ballon connecté. Ah. Je l'avais déjà vu avant la saison, enfin avant la fin de saison, un ballon équipé de capteurs, donc c'est pour ça que je te disais que tu étais proche Alex, transmettant en temps réel des statistiques, la position sur le terrain, la vitesse, la rotation, l'angle de shoot, etc. Ce qui permettra d'avoir des statistiques sur les joueurs en temps réel dans un sport, et notamment pour la NBA encore plus que le basket européen, où beaucoup de choses sont portées sur les statistiques. Maintenant je vous donne un nombre, et c'est le nombre 960. Indice tennis. Indice ATP. Le classement ATP de Benoît Paire. Indice ce week-end. La victoire de, c'est le nombre de victoires d'Andy Murray. C'est pas le nombre de victoires, nombre de matchs, mais c'est en rapport le avec nombre de points d'Andy Murray. Le nombre de points d'Andy Murray au classement ATP. Le nombre de matchs. Non, c'est pas un nombre de matchs, c'est pas un nombre de points. Dernier indice, titre. Non. Ah non. 960 jours depuis son dernier titre. 960 jours depuis le dernier titre d'Andy Murray sur le circuit ATP. C'est bien ça. Il a remporté le titre à Anvers ce week-end, on le disait. Prochaine question, et c'est une question. Je vais pas dire le sport. Je vais vous donner une citation et vous pouvez me couper à tout moment. Je pense que la meilleure équipe a perdu aujourd'hui. Wales Island. Oh là là, ça a été rapide. Je pense que le point peut être partagé, si je me trompe pas. On est d'accord, Tariq, tu peux faire l'arbitre, hein, ils sont allés vite. 3 points pour Alex, 2 pour Jules. Tariq attend d'ouvrir son score, mais c'était pas le meilleur sport pour lui. Prochaine question, et c'est une autre question où vous pouvez me couper à tout moment. Quel sportif professionnel a obtenu son passeport français cette semaine ? Ça avait fait parler avec notamment une scène avec notre président. J'ai plus le nom, je sais exactement qui c'est, mais j'ai. Ça va ? Non, mais c'est bien du rugby. Est-ce que vous allez l'avoir ? Van Dijk ? C'est ça. De Toulouse, le pilier droit. Le pilier de Toulouse, ouais. Van Dijk. Mais Van Dijk, je te le donne forcément. Tellement que quand j'ai vu la réponse de Guillaume au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que Van Dijk, le défenseur de Liverpool? Alors que je suis passionné de rugby, vous le savez. J'avais plus fait le rapprochement. Donc Emmanuel Macron, lors de la présentation des équipes en finale du top 14, avec Toulouse, avait échangé avec ce pilier qui lui avait dit qu'il était en train de faire passer un dossier pour son passeport français, et il a prié le président d'accélérer son dossier. Et bien, écoutez, il a désormais la nationalité française. C'est depuis ce week-end. Prochaine question, et c'est une question... je vais pas vous dire le sport. Cette semaine, par un tweet sur les réseaux sociaux, un sportif a annoncé son retour sur les routes après une grave blessure. Qui est-il ? Martin Fourcade ? C'est pas Martin Fourcade. C'est du cyclisme. Tout bien. Christopher Froome ? Christopher Froome, bravo Jules, c'est bien ça. Christopher Froome qui a annoncé effectivement son retour sur les routes après sa grave blessure qui l'a handicapé tout au long de la saison. Je nous laisse encore deux dernières questions. Tout d'abord, une question rugby. En perdant face aux All Blacks, quelle malédiction l'Irlande n'a pas réussi à annihiler ? La malédiction des quarts de finale, ils ont perdu à chaque fois en quarts de finale à toutes les Coupes du Monde. Et Jules prend l'avantage juste avant la dernière question. Et la dernière question, c'est une question football. Tariq peut peut-être ouvrir son score et donner le titre à Jules. Jules, allez le chercher ou être coiffé au poteau avec cette question à 2 points par Alex. Manchester United a mis fin à une série ce week-end. Mais laquelle ? 17 victoires consécutives de Liverpool. 17 victoires consécutives de Liverpool. Tariq finira pas avec 0 points, pas d'air quiz. Et la victoire est pour Jules, qui est revenu alors que Alex avait pris l'avantage. Il y avait d'autres questions, messieurs, mais on a été trop indisciplinés avant dans l'émission, donc j'ai dû simplifier un petit peu ce quiz. Il faudra venir la semaine prochaine pour avoir les questions restantes. On va finir cette émission avec, après cette belle victoire de Jules, qui enchaîne un 3 victoires dans ce début d'année en 6 émissions, un beau pourcentage, sachant qu'il n'a pas fait les 6 mais 5 émissions. Prenez-en de la graine, messieurs. On en passe à l'agenda de la semaine que je retrouve de suite. Excusez-moi. Les matchs à suivre donc dans cet agenda 100% montpellier pour les équipes de Montpellier d'ici au week-end prochain. Tout d'abord pour le MHB, le MHR, il n'y aura pas de match cette semaine. Pour le MHSC, après un déplacement post-trêve international à Auguste d'Olon en Champagne, le MHSC 8e du championnat recevra samedi prochain à 20h pour la 11e journée de championnat au stade de la Mosson, le SCO d'Angers 5e, l'une des équipes en forme de ce début de saison de Ligue 1. Le MHSC féminin pour la 7e journée de D1 Arkema se déplaceront avec l'objectif de ramener les 3 points à Paris pour une affiche de la D1 féminine face au Paris FC ce samedi 26 octobre à 14h30. Le MHR, donc je vous ai dit, souffle ce week-end en cette fin de Coupe du Monde. Le MRC par contre, donc le MHR féminin, a un premier défi avec nos filles qui recevront les deuxièmes de la poule 1, le club de Bobigny, lors de la 6e journée d'élite féminine, l'occasion de se tester pour les coccinelles face à la seule équipe en mesure de suivre relativement le rythme depuis le début de la saison. Le Montpellier Vipers rejouera à domicile, eux qui sont pour le moment 14e et malheureusement dernier du classement, samedi prochain le 26 octobre à 19h à la patinoire AV Vegapolis face au club Rhône-Alpin de Chambéry, 7e du championnat pour le compte de la 7e journée. Le MWP en championnat, les Poloïs Montpellierin se déplaceront en Alsace à Strasbourg, 5e. Le vendredi 25 octobre au soir à 20h30 pour la 4e journée. Ils tenteront de conserver leur invincibilité en championnat. Le MCVUC tentera d'enchaîner à l'extérieur après un premier succès obtenu le week-end dernier face au Paris Volley. Pour la 4e journée de Ligue A, le Montpellier-Castelnau Volley UC se déplacera à Poitiers le samedi 26 octobre à 19h30. Enfin, le BLMA, mercredi à 18h, les gazelles du BLMA retrouveront l'Euroleague pour la 2e journée et défieront cette semaine l'équipe polonaise d'Arka Gdynia à l'extérieur. Pas facile à dire. Par ailleurs, la LFB fera relâche cette semaine et les Latoises resteront donc pour le moment leaders du championnat domestique au moins une semaine de plus. Les tips de la semaine offerts par Tim qui ne pouvait pas être là ce soir, donc exceptionnellement c'est moi qui les donne, avec des affiches de Ligue des Champions qui revient cette semaine. Il a donné donc un combiné avec un premier match Atlético Madrid Bayern Leverkusen, victoire de Atlético Madrid côté à 1,62, victoire du Shakhtar Donetsk, le club ukrainien face au Dynamo Zagreb côté à 1,72, victoire de Paris à Bruges côté à 1,56, le match Ajax-Chelsea combo avec l'Ajax ou match nul entre les deux équipes mais les deux équipes qui marquent côté à 2,02, enfin victoire de Leipzig face au Zenit Saint-Pétersbourg côté à 1,55. Le total si vous réalisez ce combiné qui sera mis en ligne juste après la fin de l'émission, combiné côté à 13. Je vous remercie messieurs pour cette belle émission. Vous retrouverez les tips de Tim également la semaine prochaine. Merci à Jules, merci Alex, merci Tariq. Je suis sûr qu'on va se régaler avec ces demi-finales de la Coupe du Monde ce week-end, je le rappelle, les 2 à 10h samedi et dimanche. Tout d'abord samedi Angleterre-Nouvelle-Zélande et ensuite Pays de Galles-Afrique du Sud dimanche. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, notre compte Le Café du Commerce. Vous pouvez continuer à voter et également sur Twitter. Je sais que Tariq l'a mis à notre sondage sur les deux franchises de Los Angeles en NBA. Bon début de saison de NBA à tous. Il n'y a pas d'autre émission derrière nous ce soir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la 7e émission de Sport & Chill et on se quitte avec le son de la semaine, c'est le discours émouvant pour son dernier match finalement, ce fut son dernier match, du capitaine Guillaume Guirado, capitaine courage de cette équipe de France, après la défaite contre le Pays de Galles 20-19 en quart de finale de Coupe du Monde. Écoutez, c'était dans les vestiaires. À la semaine prochaine et continuez à suivre les programmes de Radio Campus Montpellier. Bonsoir. Je vais peut-être me répéter comme je fais depuis longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on fait les mêmes choses et qu'on perd un petit peu sur les mêmes erreurs. Je vous promets, j'ai parlé avec Johan, Max et Baptiste Laurent. Je veux que vous mettiez dans le crâne pour les plus jeunes qui vont continuer. Ce qu'on arrive à faire, vous pouvez regarder tous les matchs que vous voulez au niveau international. Je vous promets qu'il n'y a pas une seule équipe qui arrive à le faire, même les Blacks. Regardez-moi dans les yeux, Damien, regarde-moi dans les yeux. Même les Blacks. Les choses les plus simples, ils le font très bien. Il y a des petites choses qui semblent anodines, mais au niveau international, vous payez cash, vous prenez une tarte dans la gueule. C'est pas grand chose, hein. C'est un mètre trop serré, un ballon qu'on veut gratter, une mêlée où on se met à 7 alors qu'on doit être 8 avec un centre. C'est pas grand chose, les gars, je vous promets, c'est une taille. Et on a payé, hein. C'est vraiment, on a payé, ça fait au moins 7-8 matchs qu'on a. Là, tous les jeunes, hein. Regardez-moi bien tous, hein. Tous les jeunes, on a bouffé le pain noir, maintenant c'est fini. Moi je serai votre premier supporter, mais putain ces petites erreurs là, vous les gommez, fini. Vous jouez au rugby, vous savez le faire, vous avez les qualités, putain de merde, on oublie encore 3 essais ce match-là. 3 essais, on oublie en route, minimum. Donc je veux que vous rentriez dans la tête, tous. Parce que quand on a la chance de porter ce maillot, il faut qu'on réellement reste persuadé. Ce qui fait la force d'une Coupe du Monde, je vous l'ai dit, je crois, dès le début. Je vous ai pas menti, ça, non. Ce qui fait la force d'une Coupe du Monde, c'est qu'il y a des joueurs que tu connais pas forcément très bien.